être née. Oh, Johnny Hallyday. Chanteur. Chanteur. Je suis un chanteur des années 80. 90 et 2000. Wow. Africa. Africa. Je n'entends pas de musique. Je n'entends pas de musique. Est-ce normal? Ah bonjour Guidabaxita. Guidabaxita. Bassiste, très bon bassiste. Brasil. Brasil tropica. Brasil tropica. Brasil tropica. Donc, un français, un anglais, un français, un anglais, un américain. Suisse. Suisse. Comment ça se passe en Suisse, tu dis? T'as été vivre en Suisse? Moins payer d'impôts?